boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Rumors spreading round, and that takes us down. But that truck outside the grains, you know what I'm talking about. But just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls there. Got the time and attend to get yourself in. I hear it sigh most every night, but now I might be mistaken. soir et ce soir seulement dans Pop and Rock sur RVR, on enfourche notre vieille machine à remonter le temps pour retrouver l'année, la riche année 1973. Enfin, riche musicalement parce que pour l'Est, le monde s'est rendu compte que l'or noir portait bien son nom puisque le premier choc pétrolier mettait déjà en évidence la fragilité du modèle économique consumériste à l'extrême. C'est donc ZZ Top avec le morceau anthologique Lagrange qui a ouvert notre 110e Pop and Rock. En 1973, c'est aussi l'année de sortie d'un des meilleurs albums des Stooges, conduit par un dénommé Iggy Pop. Étaient déjà pas mal déjantés à cette époque-là puisqu'ils chantaient aussi ce truc-là. Power, honey, just won't quit. Raw power, I can feel. Everybody always trying to tell me what to do. Looks in the eyes of the saddest girl. Falls deep in love in the underworld. Raw power is sure to come a running to you. You're alone and you got the shakes. So am I, baby, I got what it takes. Raw power is sure to come. J'ai gratté, j'ai cherché, et étrangement, dans une année aussi violente, car balancée entre crise pétrolière et autres guerres du Kippour, déjà entre Israël et la Syrie, nos groupes préférés ont eu le bon goût de nous envoyer en intraveineuse des morceaux aussi psychédéliques et bons que le Quadrophenia des Who, plus de 6 minutes de vol intersidéral. Thank you. 1973, en plus du premier choc pétrolier et des conflits au Moyen-Orient, c'est également le temps des luttes armées entre l'Irlande et l'Angleterre. L'IRA fait régner la terreur outre-Manche, alors que Roxy Music et son dandy Brian Ferry chantent For Your Pleasure, le sens du décalé des Grands Bretons restera toujours inimitable. For your pleasure in our present state, heart falls part true like anything we present ourselves. The words we use tumble all over your shoulder, gravel hard and loose. There all night lying with your dark horse hiding, abhorring such extreme. Change. You watch me walk away, Tara. Pendant qu'en France, les radios publiques et périphériques, comme on disait, crachaient le dernier succès d'Alain Chamfort, de Joe Dassin ou encore de Michel Sardou, de l'autre côté de la Manche, ils essayaient toujours d'être heureux dans un contexte morose, Thatcher entrait en politique. Heureusement, Ron Wood et Rod Stewart apportaient un peu de joie dans leur groupe The Faces, avec notamment le morceau « Oh là là ». Dressing rooms are great. They come on strong, and it ain't too long. Les salles obscures en 1973, quelques bonnes nouvelles. Bébé décide enfin de raccrocher, peut-être parce que Rabbi Jacob danse sans retenue dans les rues parisiennes. Mais au cinéma, George Lucas sort son American Graffiti et William Friedkin réalise L'Exorciste, dont la bande originale est composée par un certain Mike Oldfield. Thank you. Pop and Rock est sur RVR, tous les lundis et tous les mercredis. septième album de Pink Floyd, sorti en 73, peut-être une des pochettes d'albums les plus célèbres encore aujourd'hui. Rappelez-vous le triangle prismatique sur fond noir, c'était Dark Side of the Moon. 1973, année très riche musicalement puisque Bowie sort aussi un album, Aladdin Sane, dont on écoute tout de suite le titre éponyme, c'est David Bowie en 1973 sur RVR dans Pop & Rock. Sake and strange divine. You'll make it. Passion with bright young things takes him away to war. Don't fake it. Saddling with sandal strings. Paris or maybe hell. I'm waiting, patches of sad remains. Waits for a lad insane. En 73, Bowie éblouit la scène rock anglaise. Ce que l'on considère aujourd'hui comme les papilles rock composaient sous la plume de Keith Richard, le sublimissime Angie. idea. Chine, bourbier pour l'armée française, c'est en 73 que la guerre du Vietnam s'arrête, même s'il faudra vraiment attendre 2 ans après les traités pour que les combats cessent. C'est le temps des anti-guerres, des déserteurs, des pacifistes aux États-Unis comme partout dans le monde. Et Lou Reed chante Caroline Says Too, issu de Berlin, 3e album de Lou Reed. Caroline says, as she gets up off the floor, why is it that you beat me? It isn't any fun. Caroline says, she makes up her eye. You ought to learn more about yourself. Think more than just I. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? Caroline says, as she gets up from the floor, you can hit me all you want to, but I don't love you anymore. Caroline says, while biting her lip, life is meant to be more than this, and this is a bum trip. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? She put her fist through the window pane, it was such a funny feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. 73, sortie de l'album de Led Zeppelin Houses of Holly, avec le titre éponyme qu'on vient d'écouter. Et ouais, 73, il y a 48 ans, le monde musical avait eu la chance de voir tous ces beaux albums sortir, qui sont les héritiers aujourd'hui. Moi, je vois bien Bob Mould. Les temps sont durs, en 73 comme en 2021, mais heureusement, il reste la musique et Bob Mould. Rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Break that will disappear. You can't see.